hey, tu parles beaucoup trop, ouais, hey, comme les mecs de la chicha, hey, je vais te faire gagner du temps, hey, j'habite Paris centre, hey, ça regarde ma main gauche, hey, le bris d'un Osmania, ok, Pépé Lamborghini, hey, l'argent brûle des crânes, hey, je connais bien mon ennemi, hey, il a déjà dormi chez moi, hey, connais bien les enfants, hey, et les plats de madame, ok, ok. Cabo, main sur le capot, la liste pavo, fort, prix, calage, fusil, par loi, zéro, visite, go, fabule, essence, morceau, n'a pas de sang, pur sang, dans l'écurie, passe, vesti, par l'impurie, dragon blanc, yeux bleus, me suis, qui peut, j'ai commencé dans la street, y'avait chi, chi, chi, je me connais plus, je regarde même plus les prix, prix, prix, ils veulent tous faire partie, la fuego, team, team, team, ça s'arrête plus, comme Israël, Palestine, team, team, ok, ok. Ok. Hey, tu parles beaucoup trop, ouais, hey, comme les mecs de la chicha, hey, je vais te faire gagner du temps, hey, j'habite Paris centre, hey, ça regarde ma main gauche, hey, le bris d'un Osmania, ok, Pépé Lamborghini, hey, l'argent brûle des crânes, hey, je connais bien mon ennemi, hey, il a déjà dormi chez moi, hey, connais bien les enfants, hey, et les plats de madame, ok. Ok. Oh, oh. 2 heures dans la piscine, qui suis-je? Demande à Siri, regarde pas ce que je fais, écoute ce que je dis. Carrière mémorable, destin favorable, 0 à l'écrit, 19 à l'oral. Jeune noir dans la Urnus, que de la ruse. Penses-tu que je m'amuse? Vol, gang, Amadeus, Ris, la vie à nous, Nava, Flava, Navi, Flama, Navo, Colmi. J'ai des plats, venge, des jeunes.